France Impro, ça donne chaud. Eh bien, bonjour à tous. Il est 10h du matin, samedi. Et c'est France Impro ce matin. C'est Jean-Michel au micro. Je suis avec Dominique. Salut Dominique. Bonjour, salut Jean-Michel. On est content de s'élever ce matin, tranquille. On va essayer de vous garder bien au chaud, en mitouflé. Il ne fait pas froid dehors, mais le soleil n'est pas encore complètement sorti de derrière les nuages. Et donc ce matin, on va parler d'improvisation. Comme d'habitude, on va essayer de jouer un peu. Il y a un groupe improvisé qui va nous rejoindre, je crois, dans quelques minutes. Et puis sinon, on va passer du son. J'ai un bruit bizarre dans le micro. Je sais pas, dans le casque, un truc qui fait bzzz. Non, a priori, c'est seulement chez toi. C'est seulement chez moi, alors tant pis. Voilà, donc on a pris, on va vous passer des choses comme Bruno Mantovani avec le trio Vanderer, on a du Cage, on a des copains d'ici comme Agafia, on a pris pas mal de disques. Des gens du Liban aussi qu'on avait rencontrés au mois de juin du printemps dernier. Donc on va vous faire une matinée, enfin pas une matinée, mais une petite heure d'improvisation tranquille. Et puis moi j'adore ce jingle, du coup je me le repasse parfois la semaine pour repenser à nos émissions. Voilà, on espère que vous allez tous bien et on commence tout de suite avec un disque où le trio Vanderer, donc Bruno Mantovani, invite Claire Désert au piano. Donc c'est une pianiste avec un trio à cordes. Voilà, on vous fait passer le premier morceau qui s'appelle 8 moments musicaux pour violon, violoncelle et piano. Voilà, à tout de suite. Thank you. Thank you. Voilà, c'était le trio Vendereur avec un morceau composé par Bruno Mantovani qui s'appelle lui Moments musicaux. C'est un morceau qui a été composé en 2008 en hommage à Franz Schubert. Voilà, c'est de la composition, c'est pas de l'improvisation. Moi, ce que j'aime dans ce disque, en fait, c'est les échanges entre les cordes et le piano, évidemment. Et les effets rythmiques, enfin, moi, voilà, ça réveille pour le matin, je trouve. Et on se proposait de changer d'ambiance maintenant avec un morceau qui est une composition de John Cage. Mais c'est un disque qui a été écrit par Ulrich Krieger, qui est un saxophoniste allemand, et qui a repris des compositions de Cage pour le saxophone. Et le disque s'appelle A Cage of Saxophones. C'est un disque qui a été écrit en 99, je crois. C'était enregistré en 99, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un saxophoniste allemand. Je vous propose d'écouter le second morceau qui s'appelle Ryohanji, pour trois saxophones préparés, un saxophone et une percussion. Vous allez voir, j'adore la percussion sur ce morceau. Voilà, j'espère que vous êtes bien allongés, les yeux fermés. J'adore le bruit de cette percussion. Dominique, tu disais que ça renvoie au jardin minéraux japonais, c'est ça ? Oui, alors le Ryōan-ji, qui est le titre de ce morceau, c'est, si je ne me trompe pas, les fameux jardins avec les petits cailloux qui sont bien alignés, dans lesquels le jardinier va faire des traits, des sillons qui vont tourner comme ça. Et puis donc, tout c'est globalement très, très horizontal, très très plat finalement, avec de temps en temps, donc ces sillons bien sûr, et de temps en temps une grosse pierre que du coup le visiteur du jardin est amené à contempler. Voilà, et donc c'est Jean-Michel suggérait que cette musique et ce morceau là en particulier devrait être écouté les yeux fermés. Voilà, et on peut donc, il n'y a pas dans ce morceau, dans le Ryōan-ji de John Cage, interprété ici par Ulrich Krieger. Il n'y a pas de grosses pierres, hein. il y a des sillons, enfin je vois bien les sillons, je vois bien le gravier, enfin les petites pierres, mais pas de grosses pierres. Et en fait, le Ryōan-ji, ça m'amuse pas mal parce que j'ai fait partie du FIL, je n'en fais plus partie maintenant. Le FIL, c'est la Fabrique d'improvisation libre, c'est un grand orchestre toulousain. Et l'année dernière, pour un concert, même pour plusieurs, on a interprété une pièce qui s'appelait Ryōan-ji dans les nuages. Alors le principe, c'était comme ça, un Ryōan-ji, une pièce très très horizontale avec une sorte de nappe assez ténue, d'assez basse intensité, dans laquelle il y avait se passé quelque chose de l'ordre des sillons comme ça, et avec de temps en temps des grosses pierres qui émergeaient, qui étaient improvisées par un ou plusieurs musiciens. Donc là c'était un Ryōan-ji qui n'était pas improvisé, qui était écrit, donc écrit par John Cage. Alors donc la fameuse question, nous venons d'écouter deux morceaux qui sont écrits et pas des morceaux qui sont improvisés. Alors Jean-Michel, je vais faire le naïf, qu'est-ce que ces morceaux viennent faire dans une émission qui s'appelle France Impro et qui est dédiée à l'improvisation? Moi je les aime bien en fait. C'est une excellente la réponse. Il faut commencer par là, je crois, en fait. Non, moi intuitivement, déjà, comment dire, presque charnellement, j'en sens la proximité, quoi. C'est-à-dire que je me dis rien du tout, mais a posteriori, quand j'écoute, il me semble que en écrivant ça, forcément, tu commences par l'improviser. Puis après, bah nous, on fait de la musique improvisée, on joue, et puis parfois c'est enregistré, mais ça reste, voilà. Mais quand tu décides d'écrire, tu le gardes. Tu le gardes, tu l'écris, tu le retravailles éventuellement, tu le partages avec d'autres, tu le composes, tu l'enrichis. Mais finalement, la source, elle est au même endroit. Et pour moi, c'est l'essentiel. Donc, et ça renvoie à ce que j'aime entendre et à ce que j'aime jouer ou j'aimerais jouer, en effet. Ce genre de choses là. C'est pour ça que j'ai choisi ces disques ce matin. Okay. Très bien. Et donc, c'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse, je pense. Et puis c'est quelque chose qu'on évoque souvent dans cette émission, mais la frontière entre musique improvisée, musique écrite, interprétation, improvisation, c'est des choses qui sont finalement assez floues et qui n'ont pas forcément de valeur en soi. C'est une valeur qu'on donne souvent a posteriori, qu'on donne en tant qu'auditeur, et même là, on peut se proposer d'avoir différentes attitudes par rapport à la musique ou au son en face desquels on est. Et donc je vous renvoie à l'émission d'il y a deux semaines où j'avais pas mal parlé de ça, je proposais qu'on écoute finalement n'importe quelle musique comme si elle se déroulait dans l'instant, comme si elle n'était pas reproductible, pas composée, certainement pas enregistrée. Et du coup, ça crée une intensité qu'on va trouver chez les amateurs de musique improvisée, mais que finalement on peut avoir dans presque n'importe quel genre. Alors, je vous propose d'écouter le jingle du milieu d'émission parce qu'il est 10h30, suite à quoi Jean-Michel va attaquer un petit solo avec sa guitare et ses objets, et je le rejoindrai avec mon cornet. Vous êtes sur France Impro. Vous êtes sur France Impro. Aucun doute, on est bien sur France Impro. C'était. À quoi vous reconnaissez ça? Alors donc c'était Jean-Michel à la guitare et Dominique au cornet. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on vient d'écouter? Moi j'ai pris du plaisir, ouais. Ouais, c'était bien. Hein. Bah écoute. C'était... Donc ça a commencé assez contemplatif, finalement, assez dans la lignée de ce qu'on venait d'écouter. Tu as fait d'une certaine manière un petit Ryonji. En effet, ouais. Ouais. C'est des... ouais. Je travaille avec une guitare un peu préparée là, sur ouais. Le début du. Avec des outillages que j'ai mis au point là, sur lesquels c'était... je travaille depuis quelques semaines. Et ça fait, c'est la première fois que moi j'entendais et c'était très bien et c'était très japonisant. Ça tirait vers le shuriken, le shamisen. Ouais. Shamisen. Bah écoute, c'est peut-être pour ça que Ryonji me résonne à mon oreille en ce moment. Ouais. Il y a des barres en aluminium, il y a du bois. Et on va faire un petit écart vocabulaire. Alors vas-y, montre-nous, présente-nous ton vocabulaire du moment. C'est une antenne au son. Une antenne au son, comment t'écris ça? C'est un morceau d'aluminium. D'accord. Que je coince entre mes cordes. D'accord, ok. Mais on ne devrait pas dire tous les secrets des improvisateurs. Non, ce n'est pas des secrets, c'est juste des comment dire, après c'est ça, une enveloppe. C'est une brindille oui. d'osier extrêmement dur avec laquelle je tape et je d'accord. frotte à la fois les cordes et la barre d'aluminium. D'accord. C'est essentiel. Ok. Tu nous fais une petite démo son de la barre d'aluminium frappée et frottée. Moi, ce qui m'a plu dans cette affaire-là, c'est le son de la guitare complètement transformé. Oui, effectivement. La guitare fait des sons courts. Oui, absolument. Et ça, c'est compliqué quand on fait de l'improvisation parce que. Quand on n'a plus d'idées, c'est bien d'avoir des sons longs parce qu'on a le temps de réfléchir. Non, je plaisante. Mais en fait, pouvoir faire des sons longs, Et pour faire des surnoms, en fait, il faut de la masse. Et je me suis dit, tiens, j'ai fait un peu les écoles à une époque, et je me suis dit, tiens, si je mets de la masse au bout de quelque chose, ça sonne longtemps. Effectivement. Donc là, on voit bien la barre d'aluminium à travers les cordes qui vibre. Et il y a un autre truc qui est drôle, quand je frappe les cordes, ça fait vibrer la... Il y a une espèce de bourdon derrière, il y a la note de la corde, mais il y a le bourdon de la barre d'aluminium qui bouge et qui résonne avec le son de la guitare. Parce que je me suis rendu compte que chaque guitare, elle a une note. D'accord. Une note intrinsèque, tu peux taper. En fait, si tu arrives à l'entendre, elle est assez grave. Ouais. Et je pense que c'est la fréquence de résonance de la cavité acoustique qui est dans la caisse. Donc ça ne dépend pas de l'endroit où tu positionnes la barre d'aluminium. Pas ce bourdon-là. D'accord. Le reste, oui, bien sûr. Voilà. Je ne dirai pas plus ce matin. C'est très bien. Alors, on va continuer avec nos amis libanais. Ouais, c'était fabuleux. C'était en mai ou en juin cette année-là. Il y avait un concert le vendredi soir à Ombre Blanche avec un duo libanais, avec Sherif Senaoui, et ce qui est à la guitare, et puis son collègue dont j'ai oublié le nom, mais il doit être sur la pochette. Ben non, je ne vois pas les noms sur la pochette. Je pense que les noms sont sur le disque, mais le disque dans est boîte, dans la machine. On dira tout à l'heure. Donc on dira tout à l'heure. Et du coup, donc le lendemain, donc il y avait ce concert en duo à l'Ombre Blanche. Et le lendemain soir, ils étaient au Théâtre Garonne en quartet avec un duo parisien. Et j'ai eu la chance de pouvoir les inviter le samedi matin, donc avant le concert du samedi soir. Donc Sherif Senaoui a pu venir avec sa guitare. Et donc il a fait l'émission avec nous. Donc c'est une émission, vous pouvez écouter sur le site France Impro. Je me demande si ce n'est pas une émission qui reste inédite. Non, je l'ai mise en ligne. Hein. Oui, elle est inédite. Voilà. Elle est inédite à la radio. Effectivement, elle n'est pas passée sur l'éphémère. Sur les ondes éphémères. Oui, il faudra la passer. Mais parce que en fait, l'émetteur était en panne ce jour-là. Mais on a quand même fait l'émission, on l'a enregistrée. Elle est sur le site de France Impro actuellement. Et c'était super, quoi. C'est un gars super gentil. Il a fait du son en live avec nous. Il a joué un trio d'ailleurs avec Lucie Laric et Luc Faguaga. On a une pensée amicale pour eux ce matin. Ils sont peut-être encore au lit. Mais on pense à eux. Peut-être qu'ils nous écoutent d'ailleurs. Voilà. Et on va écouter un morceau de l'album de ce duo dont je... J'ai pas le nom, mais tu l'as peut-être. Et j'avais le nom tout à l'heure parce qu'il était sur le disque aussi. Donc on le donnera tout à l'heure. Allez, c'est parti. Écoutez, ça vient de Beyrouth, c'est chouette. Coco, a la cruto. La fue a coco. ¡La cruto! Alors, c'est toujours France Impro, c'est samedi matin, il est 11h05, il nous reste 5 minutes donc d'improvisation. On vient d'écouter Sherif Sennaoui et comment il s'appelle son collègue, Mazen Kerbaj, voilà, à la trompette. En fait, c'est El Trio, donc c'est Sherif Sennaoui, Mazen Sherba et puis Rayed Yassine à la double basse. Et là, il jouait en fait avec Scrambled Eggs. Guitare électrique, basse électrique et percussion. Voilà, c'est des gens de Beyrouth, hein, au Liban. Ils ont monté un festival d'improvisation, ils ont monté toute une scène impro là-bas. On a eu la chance de les voir à Toulouse il y a 6 mois. C'était vachement bien. Ce disque, il s'appelle Scrambled Eggs and A Trio, Beach Party at Myrna El Chaoui. Et voilà, moi je l'aime bien. Alors ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'écouter, mais c'est des gens qui font à la fois de l'impro, de l'écrit, qui mélangent, qui font du rock. En fait, moi, j'aime bien ce mélange-là. Tu voulais dire quelque chose, Dominique ? Je veux dire que je vais lancer, pour finir cette émission, The Art Ensemble of Chicago, les habitués de France Impro, hein, qui sont souvent ici. Donc, l'Estance à Sophie. Alors, je vais lancer le premier morceau de ce disque qui s'appelle Le Thème de Yo-Yo. Et je vais le lancer doucement parce que, pendant qu'il va tourner, nous allons présenter la programmation musicale toulousaine de la quinzaine. Tu disais que l'Art Ensemble of Chicago serait souvent ici. Je ne désespère pas de les avoir dans le studio d'éphémère un jour quand même, parce que tu sais qu'ils sont passés à la Pizzeria Belfort il y a un an. C'était pas vraiment The Art Ensemble of Chicago, c'était Don Moyer, le batteur de The Art Ensemble of Chicago. Mais les autres, j'ai bien peur qu'ils soient toujours à Chicago. Mais quand même. Et en plus, dans cet ensemble-là, nous avons des gens comme Lester Bowie, le regretté Lester Bowie, qui malheureusement est décédé et donc ne viendra jamais, j'ai bien peur, à FMR, malgré. Enfin, en personne en tout cas. Alors, l'agenda des sonophages. Alors, sur l'agenda des sonophages, le 11 novembre, non, raté, le 19 novembre, au Live Connexion, il y a un truc qui s'appelle Lightning Bolt. Voilà, c'est... Je connais pas, mais c'est... Tu connais ? Non, je connais pas du tout. C'est à 20h30. Je vote bien, c'est recommandé par les sonophages, en général, en plus. Ensuite, nous avons le même soir, le 19 novembre, une soirée d'expression libre à Archipel. Alors, Archipel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui fait des tas de choses. Et entre autres, de temps en temps, ils organisent des soirées d'expression libre dans lesquelles il y a des groupes qui passent et aussi des petits buffs de différents genres, mais pas mal d'improvisations libres qui sont organisées par un certain Thierry Di Filippo qui est déjà passé à l'antenne à FMR, qui est guitariste, qui joue du luth électrique, des choses comme ça, quelqu'un de très intéressant. Et donc ce soir-là, donc le 19 novembre à Archipel, les locaux d'Archipel, c'est à 23 rue Arnaud Bernard à Toulouse. C'est un chouette petit local avec des chaises, on peut s'asseoir, c'est gratuit, il faut y aller. Participation libre et nécessaire. Et donc là, Archipel invite Zoubou. Zoubou, c'est un trio très chouette avec des bons amis à nous, notamment Henri Hartmann au trombone et Elisa Trocmé à la clarinette basse. Et Gérard Frickman, je le connais pas moi personnellement, mais je suis sûr qu'il est très très chouette comme ses collègues. Donc 20h, enfin on peut arriver un peu avant pour la buvette et le buffet, 19h30. Mais la musique commence à 20h à Archipel, au 23 rue Arnaud Bernard, le 19 novembre. Le lendemain, c'est le 20 novembre. Ce sera un dimanche. On peut l'afficher. Jeudi, d'accord. Donc le 19, c'était le jeudi. Le lendemain, donc le vendredi soir, c'est à l'Impro. Donc c'est un café qui est rue Gambetta, où il y a souvent des concerts d'ailleurs. Il y a Amor Fati Trio qui invite Laurent Rochelle. Alors Amor Fati, c'est des habitués toulousains. Il y a Laurent Vizou, guitare, voix, clarinette et objet. Frédéric Cavalin à la batterie, aux percussions. Jérôme Petit au saxophone baryton, soprano. Qui invite Laurent Rochelle, qui est un clarinettiste basse. Voilà, c'est à 20h30 à l'Impro. Ça va être vraiment super si vous pouvez y aller. Moi, j'ai envie de. Ça va être difficile de ne pas faire les deux, le jeudi et le vendredi, franchement. Alors, le concert suivant qu'on trouve sur l'agenda des sonophages se passe un peu loin de Toulouse, donc on va passer dessus. Et le suivant, c'est un peu pareil. Et donc le suivant encore, c'est le 27 novembre. Le 27 novembre, c'est un vendredi. Donc c'est un concert de Caterina Barbieri à 21h à la Maison Salvant à Labège. Alors la Maison Salvant, je ne connais pas personnellement, mais ça fait plusieurs fois que je vois des choses passer sur l'agenda des sonophages qui sont assez sympas. Donc c'est 1 rue de l'Ancien Château à Labège à 21h. Donc Caterina Barbieri est une jeune compositrice et interprète italienne dans le domaine de la musique électroacoustique. Ses œuvres aux motifs répétitifs se situent à la frontière entre le minimalisme, le drone et la techno. Son dernier album Vertical, paru sur le label Imprec, hypnotise par la densité des harmonies qui prennent place dans l'espace d'écoute. Précisément pour la Maison Salvant, sa performance live sera diffusée dans tout le territoire de l'exposition du moment, l'écoulement du paysage, pour mieux le mettre en tension. Donc à la Maison Salvant, à Labège, à 21h, le 27 novembre. Le 29 novembre, il y a un concert qui s'appelle Men X. Ça se place à l'Espace R. C'est place de l'église à Saran. Donc Saran, c'est dans le Gers. C'est un chouette endroit. Je crois que c'est... Ah non, l'Espace R, je confondais. Parce qu'à Saran, il y a aussi une librairie qui fait des concerts, des tas de choses intéressantes. Donc c'est un trio échappé d'un cirque. Une trompette. C'est Sébastien Sirotto qu'on connaît bien. C'est Julien Charmla à la batterie et Laurence Williams, saxophone, composition. Voilà, donc c'est un trio échappé d'un cirque qui se produira à l'Espace R à Saran le 29 novembre. Et il est largement temps de rendre l'antenne. C'était France Impro sur FMR. Merci beaucoup, à bientôt. Ouais, portez-vous bien, dans 15 jours.